Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. En mon nom, Daniel Bolduc, pour ceux qui ne me connaissent pas, et au nom du centre du personnel du Centre d'Universalité, je vous souhaite une excellente soirée. Il est tradition ici d'aider toute personne nouvelle et même ceux qui sont des habitués à mieux comprendre les conférences de Daniel, étant donné que Daniel parle avec un vocabulaire assez spécialisé et puis aussi qu'il invente des mots pour pour nous aider à mieux comprendre ou à passer son message. Nous offrons la première partie de la conférence de ce soir gratuitement à l'achat de la prochaine conférence de Daniel. Et la semaine prochaine, ce sera dépasser les limites du besoin. Aussi, le 8 et 9 novembre prochain, il y aura séminaire PMC 1. Pour plus d'informations, vous voyez Mario à la salle d'accueil. Dépasser, on pourrait qualifier peut-être toutes les 135 conférences que Daniel a données jusqu'à maintenant de dépasser. Dépasser des limites, c'est un mot qui est très approprié lorsqu'on parle de Daniel Kemp. Est-ce qu'il va nous entraîner avec lui dans le dépassement des limites de l'homme? Ce soir, c'est ce que nous allons voir. Accueillons Daniel. Eh bien, dépasser les limites des lois, ou dépasser les lois, ou dépasser les lois naturelles. Commençons par qu'est-ce qu'une loi? Bon. Une loi, c'est un prototype défini d'une mécanicité qui, normalement, ne peut pas être dépassée, contournée, transformée, altérée par ceux qui sont régis par cette mécanicité, donc par cette loi. C'est la définition pour les érudits. Bon. Une loi. Une loi, c'est aussi, ou c'est la même chose, disons plus humainement, plus populairement, qu'une loi est l'ensemble des restrictions ou des permissions, pour parler positif, mais en fin de compte, une loi est toujours là pour restreindre, jamais pour permettre. Ce que la loi permet est ce qu'elle ne restreint pas. Comprends? Mais oui, mais je suis pas certain de comprendre Si cet la loi te aspect-là. permet de boire de l'eau, c'est qu'elle ne t'empêche pas de boire de l'eau. Mais pourquoi une loi doit-elle te permettre? Si c'est une loi, elle doit t'obliger. Si elle t'oblige à boire de l'eau, c'est qu'elle t'empêche de décider. Si la loi permet, par exemple, de tuer quelqu'un par légitime défense, cela veut dire qu'elle empêche de tuer autrement que par légitime défense. Ce qui est permis dans une loi est tout ce qui n'est pas empêché par la loi. Mais la loi n'est jamais là pour permettre, la loi est toujours là pour empêcher. Maintenant, je ne juge pas la loi. La loi, elle est bonne tant que l'humain n'a pas l'intelligence de comprendre la mécanicité de l'écologie, de la relation, de la vie sociale. Sociale entre les humains et entre ce qui existe. Mais la loi peut permettre aussi des choses. Non, la loi ne permet rien. Il n'y a aucune loi sur la planète qui permet. Absolument pas. Elle excuse. Mais elle ne permet pas. Nomme-moi une loi qui permet. Essaye juste pour le fun, on va s'amuser. Nomme-moi une loi qui permet quelque chose. Mais permettre, par exemple, la liberté? Oui. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas nous permettre cette Alors, liberté. la loi qui permet la liberté est une loi qui interdit les lois qui restreignent la liberté. D'accord? Autre les lois qui restreignent la liberté, as-tu besoin d'une loi qui permet la liberté? L'homme qui est tout seul dans le désert, est-ce qu'il a besoin d'une loi permettant la liberté? Non. Bon, donc cette loi n'a pas de consistance cosmique. C'est une loi humaine. Humaine parce que l'homme placé dans un paquet d'humains doit maintenant avoir une loi qui oblige les autres à le laisser libre. Donc, qui limite l'expression des autres. Hein? Qui esclavagit l'expression des autres pour permettre à celui-là d'être libre. On a une loi ici qui permet à l'humain d'être libre. À la condition que... Il n'est pas libre. À travers tout ce qu'elle restreint, ce qu'elle ne restreint pas devient... Ce qui nous fait apprécier la loi. Il y a une loi qui, parce que la loi permet de vivre, donc elle interdit la mort, elle interdit le meurtre, elle interdit différentes choses. Mais il y a une loi, la loi, elle peut sauter, on peut la changer comme on change de chemise, on le sait. On a la loi 101 qui interdit, c'est-à-dire qui permet l'affichage unilingue français. mais vu du point de vue anglais, qui interdit l'affichage unilingue anglais ou bilingue anglais. Du côté des francophones, la loi 101 permet l'affichage unilingue français. Du côté des anglophones, la loi 101 interdit. Mais si tout le monde a la même langue, la loi 101 n'a aucune consistance. Comme ça, une loi est toujours, toujours, toujours restrictive. Les lois ne sont là que pour restreindre l'homme. Il n'y a aucune loi qui permet. Restreindre, ça peut être, ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Limitatif. Aberratif. Esclavagiste. N'importe quelle loi est là pour limiter l'homme. Maintenant, est-ce qu'une loi est stupide? Non. Est-ce que la loi est intelligente? Oui. Ça n'empêche pas qu'elle est là pour limiter. Exactement comme si je vous dis, une opération chirurgicale, une ablation chirurgicale, ça a comme fonction d'enlever quelque chose du corps. Exclusivement. Bon, une ablation. Si on fait une colostomie, on élimine une partie de ton corps. Si on fait une amygdalectomie, on élimine une partie de son corps. Si on fait une appendicectomie, on élimine une partie de ton corps. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non. Mais une chose certaine, c'est que tout ce qui est une ablation sert à retirer. La loi, elle sert toujours à restreindre. Elle empêche l'homme de tuer son voisin. Elle ne permet pas la vie. L'être humain vient au monde en vie. Il n'y a pas aucune loi qui va gérer cela. Mais finalement, dans notre éducation, on dit toujours que la loi permet. Et oui, c'est évident, parce qu'il faut bien que l'humain ne voit pas. Si l'humain se rend compte que la loi restreint, l'humain voudra changer les lois. Et si l'humain n'a pas l'intelligence de changer la loi de façon à améliorer le sort de l'homme, automatiquement, l'humain va changer la loi de façon à améliorer son sort à lui. Donc, automatiquement, il finit par devenir tyran. Les lois. Les rois mettaient des rois qui lui plaisaient. Et à un moment donné, les rois ont été renversés. C'est le peuple qui a pris la tête. Le peuple a mis des rois qui lui plaisaient au peuple. Mais continuellement, ces lois qui régissent de la naissance, souvent à la mort, un individu, sont des lois qui sont ancrées dans la tête de l'individu, mais qui n'ont aucun fondement cosmique. Mais qui peuvent avoir une intelligence structurelle au niveau de la société dans laquelle est venue au monde la personne. Mais l'on doit toujours savoir qu'on ne doit pas arrêter sur un feu rouge parce que la loi te l'oblige. Mais qu'on doit arrêter sur un feu rouge parce que c'est intelligent d'arrêter sur un feu rouge parce que ceux qui sont sur la voie transversale passent sur le feu vert. La loi, elle restreint. Moi, j'arrête sur un feu rouge, mais ce n'est pas à cause de la loi. C'est à cause de l'intelligence. Si on parle de lois naturelles, est-ce qu'ils sont restrictives en tant que telles ou bien s'ils ont un lieu d'être? Bon. Les lois naturelles, même si elles n'ont pas été dictées par l'homme, quoique l'homme est en train lentement d'en créer des lois naturelles, par exemple, on saura que dans les lacs, on ne peut pas avoir de poissons. C'est une loi naturelle. Les lacs sont trop acides. Bon. Lentement, l'homme est en train de créer transformer les lois naturelles. Il crée des lois malgré lui. De toute façon, l'homme fait tout malgré lui. Bon. Quand l'homme invente quelque chose d'intéressant... Mais ce que je veux dire par malgré, c'est que des fois, il le fait par inconscience, puis des fois, il le fait parce qu'il a pris conscience de quelque chose. Non, lorsque l'homme prend conscience de quelque chose, c'est toujours inconscient, cette prise de conscience. Parce que de toute façon, l'homme qui est conscient ne prend pas conscience de quelque chose. Tandis que l'homme qui est inconscient peut finir par, dans son inconscience, comprendre un peu plus. Est-ce que tu veux dire que la conscience est limitée à ce moment-là? La conscience de l'homme, elle est limitée, parce que la conscience de l'homme, c'est l'expérimentation de l'inconscience. La conscience de l'homme ancien, c'est strictement limité à l'expérimentation de l'inconscience. Chaque fois que tu manges un coup, que tu souffres, tu finis par apprendre à ne plus faire. L'homme appelle ça la conscience. C'est la conscience morale, c'est la conscience ceci, c'est la conscience cela. On développe la conscience morale parce qu'à force d'être impoli, les voisins nous haïssent. Bon, mais j'appelle pas ça une conscience. Celui qui a une conscience réelle, une conscience pure, une conscience inconsciente de toute façon, celui qui a une conscience globale, ne devient pas un jour conscient un peu plus. T'es conscient ou t'es pas conscient. Sauf qu'à travers ton inconscience, à la longue, à force d'expérimenter ton inconscience, tu finis par mémoriser des expériences. Tu deviens donc un être expérimenté dans l'inconscience. Et à travers cette inconscience totale qui t'habite, avec l'expérience de l'inconscience que tu as, tu finis par devenir un peu plus efficace. Et c'est l'évolution de l'homme. L'homme reste toujours inconscient. L'homme joue avec l'atome. Il est conscient du danger de l'atome. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des bombes nucléaires qui ont pété sa tête. L'homme est conscient du danger des centrales nucléaires. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont coulé, il y en a qui ont sauté. Bon. L'homme est conscient de tel danger. Pourquoi? Pas parce qu'il est conscient. Parce qu'il a expérimenté le résultat de l'inconscience. Et cette expérimentation est de la connaissance pour lui. Ça finit par créer ce que l'humain appelle la science, peut-être, la science religieuse ou la science matérielle, cartésienne. Mais l'homme n'a pas de conscience présentement. L'homme n'a que la conscience de l'inconscience. L'homme sait très bien que son savoir est limité. L'homme sait très bien qu'il doit faire des recherches, qu'il doit expérimenter les choses. Et cette expérimentation coûte extrêmement cher en énergie planétaire, en vie humaine, en vie animale, en vie végétale. Est-ce que les lois naturelles relèveraient ni plus ni moins que d'un système d'écologie? Bon, la loi naturelle, dépasser les limites des lois naturelles. Naturel, évidemment, veut dire que ça se rapporte à la nature. La nature, on entend souvent par nature la phénoménologie botanique, zoologique et minérale. Bon. Alors, on va parler des lois naturelles qui vont donner l'exemple. Une des lois naturelles, c'est que les plantes ont besoin du soleil. Et à un moment donné, on va dire, non, les plantes ont besoin de lumière. Parce que même sans soleil, avec de l'électricité, on peut avoir des lumières qui nourrissent les plantes. Donc, en fin de compte, on transforme la compréhension. Mais toutes les lois naturelles, par exemple, une loi naturelle pour l'homme. Si vous plantez un pépin de pomme, il devra pousser un pommier ou rien du tout. Il ne poussera pas un chêne, il ne poussera pas du blé. Bon. Une loi naturelle qui fait que si tu accouples deux chiens, tu n'auras pas un éléphant. Bon. Une loi naturelle aussi qui fait que si tu accouples un âne avec un cheval, si vous préférez une ânesse avec un cheval ou un âne avec une jument, ça, tu auras un animal qui est stérile, qui ne peut pas se reproduire. Bon. Ce sont des lois naturelles. Sauf que la science peut arriver à transformer ces choses-là pour pouvoir créer des choses intéressantes. Bon. Intéressantes pour les savants. Ceux qui trippent sur ce qu'ils font. Parce que des fois, c'est dangereux. C'est pas tellement intéressant. Bon. Faut comprendre intéressant, là. Ces lois naturelles. L'homme ne peut pas traverser la matière avec sa propre matière. Bon. Pour le moment. Ça, c'est ton opinion. C'est ton point de vue. L'homme meurt. C'est une loi naturelle. On meurt tous. Est-ce que parce qu'on meurt tous, c'est une loi naturelle? Ben, c'est ce que je me posais la question avant. Oui. Une loi naturelle. L'être humain vient au monde, et l'être humain vieillit, et l'être humain meurt. C'est peut-être normal, parce que tout le monde suit ce cheminement, mais est-ce que c'est naturel? Alors, on va dire, oui, mais les animaux aussi vivent ça. Les animaux, c'est reconnu, sont plus stupides que nous autres. De loi naturelle, on ne pourrait pas parler d'écosystème? Oui. La loi, elle est toujours... Bon. Asseyez-vous bien certains, les autres. On part, on démarre. Non, non. C'est que la loi, il y a une question fondamentale. Est-ce que la loi, elle a été instaurée par une intelligence supérieure créatrice de toute la condition évolutive humaine? Alors, si on parle d'un créateur privilégié ou d'un créateur unique qui, à un moment donné, aurait instauré un cadre d'évolution, l'écosystème planétaire, et il aurait implanté donc, de la nourriture, des animaux, des végétaux, un sol et des humains faits à son image et à sa ressemblance, histoire de, je ne sais quoi, disons, de les regarder faire et d'avoir des êtres humains à son image, mais peut-être plus brillants, à sa droite ou à sa gauche à un moment donné. Alors, on peut se demander la question, pourquoi il n'a pas créé directement ce qu'il voulait? Pour laisser à l'homme le choix. Ah bon. L'homme a le choix entre partir en enfer à jamais ou réussir. J'appelle pas ça un choix. C'est un choix politique, en tout cas. Mais c'est pas un choix cosmique. L'homme, dans son ignorance, évidemment, essaie d'expliquer les choses. La consistance de l'espace-temps, de sa propre évolution, de la planète, de son origine, de la raison de sa présence à l'échelle de la planète, ou même dans l'univers, et de l'avenir qui l'attend. L'homme essaie d'expliquer. Maintenant, lorsque tu rencontres une source qui sort de sous terre, tu vois l'eau sortir et tu ne vois pas d'où elle vient. Et l'ignorance de l'endroit d'où elle vient permet à l'humain d'envisager, d'imaginer, de spéculer, de théologiser le phénomène et d'essayer de découvrir dans sa tête, à partir de son impulsion, d'où elle vient, comment elle a été créée. Et ce processus est un processus d'ignorance qui n'a plus de fin. Lorsque l'humain veut tout démolir la source pour pouvoir savoir d'où elle vient, alors là, on rentre dans la science. Alors, tuant la source, il sait. Mais une fois qu'il sait, la source est polluée. Tandis qu'au niveau théologique, on va dire, la source n'y touche pas, elle est divine. Bon, elle n'a pas, elle apparaît 2 pouces sous la terre, c'est là qu'elle est générée, de rien, c'est Dieu qui l'envoie. Du niveau théologique, tu ne comprendras jamais le mécanisme de la source, sauf que tu ne la pollueras pas par l'étude de la source. Ça a un avantage. Mais si un jour, la science connaissant cette source et l'ayant polluée, découvre une autre source plus loin, elle, sans doute, si l'homme est relativement intelligent, ne détruira pas cette source. Mais si à un moment donné, la source cesse, Alors le scientifique dira, c'est que plus loin, c'est bouché. Alors il pourra maintenant forer, vérifier, déboucher la source et la restaurer. Tandis que le théologien, lui, va dire, tiens, ça a arrêté, la source, ça coule plus. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Donc, le théologien, lorsqu'il observe la nature, arrive à la préserver. Mais si cette nature change, il ne peut pas suivre par sa compréhension le processus de changement de la nature. C'est Dieu. Alors, il fera des sacrifices de lui-même. À l'époque, on faisait des sacrifices humains ou des sacrifices biologiques, animaux. Ou il fera des sacrifices de cierges, des sacrifices de temps, d'argent. Il donnera. Il essaiera de faire en sorte que la source se restaure. Bon. Maintenant, on sait très bien depuis assez longtemps que le prêtre peut prier, c'est bien, mais c'est préférable de creuser un puits. L'eau vient plus vite. Bon. On le sait. Maintenant, est-ce que cela voudrait dire, les scientifiques vont dire exactement, c'est de prier et creuser. Mais à un moment donné, tu as l'eau, tu as tout ce que tu veux, et tu détruis l'écosystème de la planète parce qu'avec ta science manque la compréhension ou, disons, le respect. Mais le respect, c'est bon pour l'être qui n'a pas encore la compréhension des choses. Parce que lorsque tu as la compréhension des choses, tu ne les respectes plus d'une façon inconsciente, c'est tout à fait évident pour toi que tu ne dois pas altérer. Sauf pour améliorer, si cela est possible. Bon, c'est un respect qui est au-delà du respect, pour le nouveau. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi. Le théologien impose des lois qui disent à l'humain, ne cherchez jamais à connaître le fondement même de la source. Parce que ceux qui ont essayé l'ont détruite. Oui, ça c'était les savants. Dans le début, ils ne savaient pas. Parce que les savants ne savent pas. C'est pour ça qu'ils font des recherches. Hein? Bon, on pense souvent que le savant sait. Le savant sait rien. Le savant fait des recherches pour savoir, justement. Alors, les savants ont démoli la première source pour essayer de la sonder. Alors, le théologien va donc amener des lois. Des lois qui vont dire que l'homme n'est pas conçu pour faire cette recherche. Que l'homme n'est pas conçu pour ceci, pour cela. Et que lorsqu'il manque d'eau, c'est parce que l'homme a commis un péché. Et au travers de cela, pour assurer l'homme, il dit, « Oh, mais vous avez quand même le choix. » Alors pourquoi, si j'ai le choix, chaque fois que je commets une bévue, j'ai une punition? Je n'ai pas le choix. Si je veux être heureux, j'ai un chemin, sinon je mange des radis le restant de mes jours. Le choix, il est où? Alors on va donc créer des lois spirituelles qui ont comme fonction de diriger toute votre évolution de façon à ce que vous n'altériez, à ce que l'humanité n'altère jamais, les conditions essentielles d'évolution, disons, de vie biologique à l'échelle de la planète, parce que la vie biologique est plus importante encore que la vie spirituelle, pour la simple raison que si tu ne peux pas avoir d'enfant, il n'y a plus d'évolution spirituelle. Un être humain spirituel qui n'a pas de corps physique, n'évolue même pas, n'apparaît même pas. Le corps physique a donc une condition privilégiée. C'est pourquoi aussi les antiques religions vont dire « Croissez et multipliez-vous ». Pas spirituellement, imaginez-vous pas d'être plein d'enfants, là. Faites-en biologiquement, eux s'imagineront ce qu'ils voudront. Bon. Donc, les lois qu'on va appeler cosmiques dans le sens spirituel, les lois divines et les lois spirituelles sont dans la majorité des cas des lois qui vont évidemment restreindre le potentiel, disons, expansif de l'homme. Ce qui est intelligent, parce que l'homme était animal à cette époque. Si l'homme est laissé libre, évidemment, il démolit la terre au complet. Bon. Donc, les lois spirituelles sont intelligentes. Maintenant, est-ce qu'on peut les surpasser? Est-ce qu'on peut les déclasser? On y reviendra. Lorsque ces lois spirituelles ont toujours comme fondement, premièrement, de respecter les lois matérielles. Sauf que ce n'est pas tellement long que l'être humain vivant en troupeau finit par orchestrer, organiser ce troupeau, il le gère et il constitue la société. Dans la société, les lois naturelles ne peuvent plus tenir. Tu ne peux pas, tu dois maintenant cultiver à l'extérieur de la société. Tu dois donc inventer le commerce, l'échange. Est-ce que Dieu permet le commerce? Alors automatiquement, les prêtres vont adapter les lois divines et les lois naturelles aux lois sociales pour inventer la loi de la société. Bon. Alors, évidemment, les lois religieuses, les lois divines, quelle que soit la religion, vont évidemment être altérées un peu pour pouvoir être appliquées à la société. Alors, ne donne plus à Dieu, mais viens me donner à moi, au prêtre, et puis moi, je donnerai à Dieu. Puis si moi, je suis engraissé, Dieu est engraissé. Bon, à un moment donné. Et tu ne dois pas faire ceci, faire cela, parce que ça crée des problèmes, ça risque de démolir la société. Et évidemment, le prêtre, à cette époque, a donc le pouvoir sur la société, avant même le roi. D'ailleurs, si on regarde la chrétienté, c'est le pape qui va nommer le roi. Mais jamais le roi décide du pape. Bon. Alors, le roi, lorsqu'il est, il doit devenir roi, il reçoit de Dieu le pouvoir d'être roi, mais des mains du pape, évidemment. Tant qu'on a un pape et qu'on a un roi, on a la paix. Parce qu'on a les lois de l'homme et on a les lois divines qui vont, disons, inclure les lois naturelles et les lois de l'homme, qui incluent aussi les lois naturelles. Alors, dans les lois du roi, on a les lois naturelles et les lois sociales. Dans les lois du prêtre ou du pape, on a les lois de Dieu et aussi les lois naturelles. Tant que cela va, ça va. Pas trop de problème. Lorsque le roi et le pape s'unissent de connivence pour fomenter quelque chose, là, ça devient dangereux. Ça crée des guerres saintes comme les croisades, etc. Où là, on n'a plus aucun respect ni des lois de Dieu, ni des lois naturelles, ni des lois sociales. Tu peux violer, tu peux détruire. Ce sont des infidèles, ce sont des impies, ce sont ceci, ce sont cela. Est-ce que ça n'a pas été des lois, justement, que l'homme ne comprenait pas vraiment? Il y a aucune moins de loi que l'homme comprend. Même dans la loi écrite dans le petit livre extrêmement réputé et connu, ils ne te font pas jurer dessus, mais c'est juste le code de loi, le code criminel, par exemple, ou le code civil, qui présentement gère la vie de tout le monde. Dans ce livre, c'est pas écrit, mais c'est presque écrit qu'il y a toujours une loi qui contredit une autre loi. Bon. Alors, à un moment donné, l'avocat, lui, ne veut pas savoir si son client est responsable ou non. Disons coupable ou non dans le terme légal. Il veut simplement savoir si son client peut payer. On a énormément d'avocats ou de grosses maisons d'avocats maintenant qui ne regardent pas. Et puis, s'ils gagnent, ils se font un nom. Le gars peut être coupable dans le sens légal, mais on a gagné, donc le gars est libéré. Parce que celui qui connaît la loi a toujours l'avantage de gagner dans des phénomènes de loi. Alors, ça revient un peu au même. Moïse connaissait-il les lois naturelles? Lorsque Moïse se promène dans le désert et lorsqu'il peut boire là où il n'y a pas d'eau, lorsqu'Abraham fait des choses absolument originales, etc., est-ce qu'eux vont être assujettis à des lois divines? Alors, pourquoi pas les autres prophètes? Pourquoi pas toutes les autres âmes pures de l'époque? Et pourquoi ces bonhommes? Pourquoi ces bonhommes ont-ils réussi à avoir plus de potentiel sur le reste de l'humanité? Oui, on pourrait la formuler même dépasser les lois naturelles, dans un sens, parce que là, on en a pris contrôle quasiment. Quand on parle de dépasser les lois naturelles, l'homme, évidemment, l'homme ne veut pas dépasser les lois naturelles. L'homme ne veut même pas dépasser les lois de notre corps. Ça prend des centaines d'années, on appelle ça des révolutions silencieuses, à un moment donné, elles deviennent un peu plus brillantes, pour transformer même les lois qu'on a ici. Prenons l'exemple de la loi où la femme qui est enceinte perd son emploi. Puis en même temps, tu as une loi qui essaie de financer ceux qui ont des enfants. Bon, la famille, c'est important au Québec. Mais si vous êtes enceinte, perdez votre job. Alors, à un moment donné, on met une loi qui dit que, bon, les employeurs sont obligés. Donner l'idée de l'intelligence, de la conscience collective. On est obligé d'obliger l'employeur à respecter la femme qui a un enfant. Bon. Et là, on donne temps. Et puis après l'enfantement, elle a tant de temps pour revenir. Elle a trois quarts, ou je ne sais pas, je n'ai jamais été enceinte, du salaire, etc., etc. Bon. T'es sûr que tu n'as jamais été enceinte? Pas mal convaincu. On m'a déjà enceinté, mais moi, je n'ai jamais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lois, continuellement, toutes les formes de lois que l'être humain va mener sont des lois qui restreignent. Elles restreignent soit par manque d'intelligence de l'humanité, comme présentement les employeurs, s'ils ne veulent pas comprendre le fait que c'est normal qu'une femme qui veut un enfant doit passer par le fait d'être enceinte. Bon, parce que si elle veut faire porter son enfant par un autre, c'est pas nécessairement un choix qu'elle va prendre. Souvent, la mère porteuse veut garder l'enfant après, ce qui fait que ça crée des conflits. Ou elle veut le rendre visite, l'enfant a deux mères. Bon. Souvent, on a deux, trois pères, on ne sait pas lequel, mais là, quand tu es rendu avec deux mères, ça commence à être compliqué. Bon. Alors, ça crée un paquet de problèmes où on est obligé maintenant de restreindre le droit de liberté de l'employeur à décider. Et la loi vient l'obliger à accepter la femme. Mais combien de temps ça a pris avant qu'une loi comme ça soit amenée? Et ça a pris énormément de temps. Bon. Pourquoi? Parce que les lois sont toujours quelque chose qui, dans la tête des gens, les lois sont immuables. On ne doit pas toucher aux lois. Alors, quand ce sont les lois de l'homme et qu'on ne doit même pas toucher aux lois de l'homme, même si elles sont stupides, alors on ne touchera jamais aux lois de Dieu. Mais le problème, c'est que les lois de Dieu sont écrites dans un livre, il a fallu que quelqu'un écrive le livre. Bon. La personne, elle était peut-être en contact avec quelque chose, mais ces lois-là, est-ce qu'elles ont été écrites à jamais? Quelle pouvait être la portée du mot hébreu ou du mot bouddhique, disons hindou, ou du mot égyptien? Quelle pouvait être la portée du mot à jamais, à l'époque. Il n'avait même pas de vocabulaire d'avenir suffisamment éloquent pour pouvoir envisager 3-4 000 ans d'avance. Il ne connaissait pas la glaciation, il ne connaissait pas les déluges, il ne connaissait à peu près rien. Alors, lorsque tu écrivais à jamais, ça voulait dire quoi à jamais? Et quelques milliers d'années après, on pense toujours que ces lois ont été écrites pour nous, et encore plus pour nous. Alors, il faut croire que Dieu est relativement ignorant. Ah, pourquoi aurait-il écrit des lois pour nous, v'là 2 1000 ans ou v'là 2 millions d'années. Il n'y a jamais écrit de loi pour eux autres. Comment on fait pour différencier ces lois naturelles des lois de l'homme? Parce que finalement, on s'en sert à toute sauce. Bon. Une loi, c'est une bonne question. La loi de l'homme est toujours une loi qui est transcrite par l'écrit et qui ne peut pas être perceptible dans la réalité. C'est une loi spirituelle ou une loi de l'homme ou une loi divine. Faites attention avec ce que je dis. Laissez-moi, laissez-vous du temps. Une loi divine, une loi humaine, une loi, disons, spirituelle, est une loi qui est transmise par l'homme, qui doit être enseignée à l'homme, parce qu'elle ne peut pas être découverte sans l'enseignement. Alors, si toi, tu n'as jamais connu la Bible, tu n'as jamais rien connu, ni le Coran, ni la Bhagavad Gita, ni le Talmud, ni etc., et que tu vis quelque part sur la planète Terre, et que tu es capable de te confronter à un moment donné à une loi qui te dit que quand tu bois de l'eau bouillante, tu te brûles la bouche, tu peux appeler ça une loi naturelle. Ton corps peut résister à une certaine température, mais pas plus. Lorsqu'il se met à neiger et que tu gèles, tu peux appeler ça une loi naturelle. Ça ne t'empêchera pas de t'habiller et d'avoir chaud. Tu dépasses la loi naturelle, mais c'est une loi naturelle. Mais lorsque tu rencontres un jour quelqu'un qui te dit « Ah oui, mais il neige, ça vient de Dieu, il faut que ça te tombe dessus, il ne faut pas que tu sois habillé. » Jamais tu as découvert le phénomène. Ça, c'est une loi divine, humaine ou spirituelle. Les premières lois que l'homme doit dépasser sont évidemment les lois qui l'obligent à penser d'une certaine façon. On parle, la majorité des personnes haïssent le socialiste ou le communiste. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne pense de telle façon, c'est pas comme le parti veut, on tape dessus. Alors, que dire d'un Dieu qui serait communiste? Qui fait que lorsqu'une personne pense différemment, ah, les foudres de Dieu vont s'abattre sur lui. Ou les foudres des prêtres, ou les foudres des concitoyens, des fidèles. C'est aussi une forme de communisme. Alors, l'humain ne veut pas se départir des lois. Comment pouvons-nous arriver à dépasser nos propres capacités si nos capacités ne sont pas ce que nous pensons qu'elles sont, mais nous sommes convaincus qu'elles sont là? Moi, je suis convaincu que je ne peux pas prendre le boulevard métropolitain. Ça va tellement vite, ils sont tellement énervés, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est une loi naturelle ou divine? Ni un ni l'autre. Est-ce que c'est une loi? Non plus. Non. Et pour la personne, c'est une loi individuelle. Elle se restreint. Une loi restreint toujours. Elle se restreint à ne pas pouvoir s'améliorer. Alors, à un moment donné, elle va dire, « Ouais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, je fais des choses que jamais je faisais. C'est même insécurisant pour la personne. Elle marche. » C'est très insécurisant. Là, il faut lui donner un peu d'énergie. Elle dépasse les lois individuelles qu'elle s'est auto-imposées. Elle se dépasse. Comment veux-tu arriver à te dépasser? Si t'es au maximum, tu peux pas te dépasser. Mais l'humain s'envisage comme maximum alors qu'il ne se connaît même pas. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, finalement, dépasser les lois naturelles? Bon, est-ce que ça veut dire que l'humain peut polluer au coton et que ça ne causera pas de problème? Non. C'est pas comme ça que tu dépasses une loi naturelle. Celui qui dépasse la loi doit avoir une condition sine qua non, une condition essentielle pour dépasser la loi, connaître la loi. Bon. Celui qui ne connaît pas la loi ne peut pas dépasser la loi. Il ne peut que se heurter à la loi. Je parle des lois divines, je parle des lois naturelles, je parle des lois humaines, je parle des lois sociales, des lois criminelles, des lois morales, etc. Si tu ne connais pas la loi, tu ne peux pas dépasser la loi. Alors, de quelle façon l'humain doit-il commencer à connaître la loi? Est-ce que cela veut dire que nous devons connaître tous les petits chapitres du code criminel, par exemple, ou du code civil, pour pouvoir comprendre les mécanismes de la loi? C'est sûr que si on veut poursuivre le voisin pour quelque chose, il faudra connaître un peu certains morceaux de la loi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit connaître la loi. On doit connaître l'essence de la loi. Alors, quelle est l'essence? L'essence, c'est quoi? L'essence, c'est le pourquoi de la loi. C'est ça, l'essence. Si tu connais le pourquoi d'une loi, tu peux donc te permettre de te dépasser la loi. Cette loi n'est pas pour toi. Bon. Si tu connais. Connaître l'essence de la loi, cela veut dire pourquoi la loi est là. Moi, je sais que la loi du code criminel, elle est placée dans un monde social comme le nôtre, parce qu'il y a énormément d'individus qui ne peuvent pas être régis autrement que par la peur, dont la culpabilisation et la punition. Alors, on impose donc une loi qui leur rappelle continuellement que s'ils font ceci, il va se passer ceci, que s'ils font ceci, il va se passer cela. On n'éduque pas l'humain. Faut dire, remarquer une chose aussi, c'est que la loi, elle est toujours là pour remplacer l'intelligence. Et dans le cas des lois sociales, elle est toujours là pour remplacer l'éducation. Vu que tu n'as pas été éduqué à ne pas voler, ben alors il y a une loi qui t'interdit de voler. Parce qu'on sait très bien que s'il n'y a pas de loi, tu vas voler. Alors on met la loi et quand tu voles, on te punit. Bon. Puis quand tu voles assez, on te publie. Avant, on pendait le monde ça passe sur la place publique. Maintenant, on les met en prison ou on les condamne à des amendes, mais on les met dans les journaux. C'est le même phénomène, simplement de l'exhibition. Je peux aller à l'encontre de la loi parce que je connais la loi. Non. C'est une forme d'écologie. C'est pas une forme d'écologie, c'est de l'écologie. Bon. Je ne peux pas aller à l'encontre d'une loi. Parce que dans le domaine de l'homme, aussi fin finaux que je sois, je ne peux pas rentrer dans une banque et dire « C'est pas un hold-up, là, mais donnez-moi tout pareil. » Tu sais, le hold-up est interdit. Mais les dons, c'est pas écrit. Donnez-moi tout. Ben non, la société, même si c'est ignorante, elle a assez d'expérience dans son ignorance pour avoir un peu de connaissance. Fait qu'elle sait très bien que ça marche pas. Bon. Alors, à un moment donné, ce que je peux faire, moi, je ne peux pas aller à l'encontre de la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas... Parce qu'il y a le fiefier coquin, l'avocat intellectuel qui finit par contourner la loi avec d'autres lois puis il espère que l'autre ne connaît pas la bonne. C'est pas ça qu'il faut faire. Tu ne dépasses pas une loi comme ça. Tu es assimilé et tu assimiles un peu la loi. Lorsque tu connais le fondement, pourquoi des lois humaines? Moi, si un jour je serais placé, par exemple, au gouvernement d'un peuple, ben c'est évident que si le peuple n'a pas l'intelligence de s'auto-gouverner tout seul chez lui dans sa propre petite conscience, faudra que je mette des lois à l'extérieur pour l'aider. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que ces lois sont toujours transformées à bien après l'utilité d'être transformées. On décide de cesser de polluer 50 ans, trop tard. On décide d'accepter que la femme puisse travailler enceinte combien d'années trop tard. Bon, dernièrement, on voulait passer une loi sur l'avortement ou non. Certains disaient que c'était à l'homme de trancher, d'autres disaient que c'était aux femmes de trancher, mais pour l'instant, il n'y a rien qui va trancher, à part peut-être le ventre de la femme, ceux qui vont se faire avorter quelque part. Bon. Mais on ne tranchera pas au niveau des lois. Pourquoi? Parce que l'être humain est inconscient, l'être humain est ignorant, donc il n'y a pas de conscience là-dedans. Et à un moment donné, il faudra mettre une loi. Non, c'est restrictif. Oui, c'est restrictif aussi. Ça restreint la vie. Et puis non, ça restreint ceux qui vivent déjà. Une loi toujours restrictive. On ne peut pas laisser à l'homme ou à la femme le choix de décider. Parce que présentement, l'homme étant collectif, il ne décide jamais de par lui-même, donc il décide toujours à partir d'une loi qui n'est pas écrite, une loi traditionnelle, ou une loi familiale, une loi de clan, ou bien d'une loi écrite qui maintenant fait partie d'un code, le code civil. Mais tu as parlé de collectif, si on parle d'individu, ça fait quoi ça? Bon, est-ce que c'est nécessaire d'être poli? Bon, tu peux apprendre ça, c'est une loi, c'est un code d'éthique, c'est une loi morale. Absolument pas. Est-ce que c'est nécessaire d'apprendre à manger de telle façon? Absolument pas. Est-ce que c'est nécessaire d'apprendre à arrêter sur les feux rouges? Ben, c'était nécessaire d'apprendre l'utilité du feu rouge, mais d'apprendre à arrêter, c'est pas nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire d'apprendre à ne pas voler? Ben non. Pas si tu as une forme d'intelligence, pas si c'est une forme de conscience. Alors, si tu regardes connaître, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Connaître le pourquoi des lois. Pourquoi les lois divines? Pourquoi les lois cosmiques? Pourquoi les lois spirituelles? Pourquoi les lois naturelles? Et pourquoi les lois sociales? Les lois, disons, plus humaines. Alors, on va partir avec le début. La loi cosmique, c'est quoi? La loi cosmique, c'est une loi, ou ce sont des lois, qui ne peuvent pas porter le nom de loi, parce que lorsqu'elles ont été constituées, il n'y avait personne pour nommer. C'est l'homme qui a nommé les choses. C'est l'homme qui a inventé la nomie. C'est l'homme qui a donné des noms aux astres. C'est l'homme qui a donné des noms aux autres. C'est l'homme qui a donné des noms aux plantes. C'est l'homme qui a donné des noms aux animaux. L'homme a nommé les choses. Alors, il y a l'astronomie. On parle des astres. Il y a la bionomie. Il y a la physionomie. Bon, l'homme a nommé. Alors, à l'époque de cette constitution, ce qu'on appelle les lois cosmiques, eh bien, évidemment, ça portait pas de nom. La loi cosmique, elle est constituée comment? On n'ira pas trop loin, mais comprenons simplement la mécanicité, disons, astrophysique de la constitution de notre système solaire ou, disons, de notre galaxie. Laissons faire le reste. Pour qu'une condition, disons, expérimentale ou une condition qui peut engendrer, à un moment donné, une structure relativement stable puisse apparaître, il doit y avoir des lois. Partout où il y a de la stabilité, c'est qu'il y a quelque chose qui régit et cette stabilité. Il y a donc des lois nécessaires. On peut parler de la loi du quantum, on peut parler des lois chimiques, par exemple, qui font que l'eau reste l'eau. Pourquoi? Parce que s'il n'y aurait pas la pression, par exemple, de l'air exercé sur l'eau, ainsi que l'attraction terrestre et l'amour entre les molécules d'hydrogène et d'oxygène, s'il n'y aurait pas ces lois d'attraction, eh bien, l'eau ne resterait pas dans le verre, elle s'en irait en vapeur. Bon, donc on parle d'une loi. Une loi, c'est toujours lorsqu'il y a une stabilité. Notre galaxie, notre système planétaire, pour parler de planétologie, il est constitué, Et automatiquement qu'il est constitué, il est en effervescence, il se promène, il bouge, il éclate, il explose, il implose, il s'amuse. Jusqu'à un moment donné où les forces qui entrent en jeu pour la création, disons, qui entrent en jeu et qui s'adonnent à créer ce phénomène, finissent par être équilibrées. À l'instant même où ce système est équilibré, n'importe quel observateur peut maintenant commencer à décortiquer des lois. Alors, il va dire, le système est en équilibre, mais si vous mettez plus de yin là, par exemple, il y aura une implosion de yang là. Par les yin-yang, bon. Le système est maintenant en équilibre. Faites pas fondre les glaces du pôle Nord, il y aura un déluge à la planète. Oui, mais comment ça se fait que l'eau s'arrête là? Parce que les glaces sont gelées là par rapport à la poubelle, etc. Maintenant, il y a un état d'équilibre. La Terre n'a jamais été envisagée comme elle est. C'est une mécanicité cosmique qui, ou galactique, et même, disons, solaire, qui est relié au système, qui fait qu'à un moment donné, par refroidissement, ça, il y a un certain état d'équilibre qui apparaît. Mais l'équilibre, est-ce que ça inclut aussi l'évolution? Premièrement, l'équilibre n'est pas intentionnel. C'est-à-dire que l'équilibre est une mécanicité qui est normale, qui n'a pas le choix dans l'espace-temps. Bon. Et le résultat de l'équilibre n'est pas intentionnel. Si on a besoin de créer un être humain, ben, il poussera bien sur n'importe quelle forme de planète. Sauf que l'humain devra, pour pouvoir naître sur cette forme de planète, être en équilibre avec la planète. Donc, s'il y a beaucoup d'oxygène, il devra respirer de l'oxygène. S'il y a beaucoup d'eau, il devra être constitué d'eau. S'il y a beaucoup de carbone, il devra être constitué de carbone. S'il y a beaucoup de calcium, il en aura besoin pour certaines choses. Dans le constituant de l'homme, il n'y a rien qui n'existe pas sur la planète. Bon. Dans cet état d'équilibre, automatiquement, on peut dire qu'il y a la loi. Les premières lois romaines, les Romains ont été les premiers à mettre des lois très claires. Les Grecs aussi. Bon. Les Romains ont été premiers à faire des chemins puis à régir une société grandiose. Mais est-ce qu'ils ont... Ils se sont assis à un moment donné puis ont dit, bon, ben, c'est une gang de cons, une gang de barbares, fait que mettons des lois, on va les civiliser. Les Romains n'ont jamais fait ça. Les hommes de l'époque vivaient selon une certaine forme et à partir de cette forme, lorsque les écrivains ont commencé à observer, les législateurs ont commencé à observer ce qui se passait au niveau du peuple romain. Alors, ils ont dit, bon, ben, tout le monde fait ça. Ça, on va appeler ça un droit acquis. Mais ça dans la loi. La loi permet ça. Elle permet pas ça, elle empêche de l'éliminer. Et là, ils ont observé toutes ces choses-là et les ont placées. Et à un moment donné, il y a du monde qui ont agi contre la loi. Alors, ils ont commencé à mettre des lois pour interdire maintenant le vol. Parce qu'il y avait une loi qui permettait la propriété privée. Mais lorsque quelqu'un pénétrait dedans, il fallait maintenant interdire le vol. Il fallait mettre des punitions. En rapport soit avec la religion, soit avec le feeling du gars qui écrivait. Hein? Parce que, bon. Donc, on a l'apparition de la loi qui n'est que l'observation d'un système en équilibre présent. C'est la loi. Comme la loi, présentement, interdit à l'homme de se promener en bikini dans le métro. Disons à l'homme, je parle de la femme, tu comprends? D'ailleurs, l'homme aussi ne peut pas se promener en bikini dans le métro. Bon, alors, on a une femme en bikini dans le métro, la loi l'interdit. Mais si un jour les policiers rentrent, ils sont tous en bikini, et que deux mois après, c'est toujours comme ça, il y a de fortes chances qu'on change la loi. La loi, elle est toujours l'observation, qu'on peut écrire, d'un état d'équilibre établi. Les lois divines sont la même chose. Lorsque l'homme a observé la nature, il s'est dit, crime, c'est géré. Il y a quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce qui interdit à une plantation de bouleaux de prendre le dessus sur une plantation d'érable? Rien. Sauf que s'il y a trop d'eau dans le sol, le bouleau a des problèmes. S'il y a telle condition, jusqu'à temps qu'un état d'équilibre s'instaure. Qu'est-ce qui permet au castor de dévaster, de bloquer une rivière, d'inonder une région? C'est écologique. Mais lorsque l'homme plante un barrage, ça peut être inécologique. Mais où est la loi? Ah, mais ça, c'est un animal. L'homme aussi est un animal. Bon. Sauf que l'homme a un pouvoir, évidemment, d'exécution beaucoup plus puissant que le castor. À un moment donné, le castor crée de maudits problèmes. Mais l'homme peut en créer aussi de très grands. Bon. Alors, la loi est toujours, et ça, c'est ce qu'il faut comprendre, comment dépasser les lois naturelles. La loi naturelle, c'est la loi qu'on écrit dans les livres, qui n'est que la contemplation de ce qui se passe sur la planète, à partir de notre point de vue de l'homme, notre point de vue humain. Mais si continuellement on éduque nos enfants à partir du point de vue de nos ancêtres, lorsque les autres voyaient la loi naturelle, les enfants comprendront, les enfants pourront pas dépasser la loi naturelle. Est-ce qu'on peut améliorer la plantation de blé? Ben non, parce que le blé, tu plantes 4 graines, il n'y en a qu'un qui sort. Tu sais, c'est la loi naturelle. Mais à un moment donné, on a des personnes qui vont travailler au niveau de la génétique botanique et on va voir, tu en plantes un, puis il en sort un. Puis il est plein et il est bien chargé. tes tomates ne peuvent pas pousser à terre, alors on fait des plants grimpants de tomates, etc., etc. Est-ce qu'on on pourrait appeler ça de la mutation? C'est une adaptation mutative qui donne des résultats qui permettent de sauver l'humain. Alors, lorsque l'humain a une science infuse dans sa tête ou a une science acquise dans sa tête, est-ce qu'il a est-ce qu'une loi l'oblige à ne pas s'en servir pour sauver les autres? Bon, alors si on peut avancer le potentiel, si on peut améliorer la condition de l'homme sur la planète, alors même si on doit aller dans la mutation, il faut y aller. Sauf que, à un moment donné, évidemment, on vient toujours un peu fou, on veut inventer des poulets quatre pattes pour quatre cuisses, on veut inventer des poulets pas de plumes, pas oiseaux plumés. D'ailleurs, le colonel Sanders a travaillé énormément sur ces phénomènes. On veut inventer des choses comme ça, et puis là, on y va aux protéines, on y va aux hormones, on y va, etc. Et ça crée des problèmes. On ne doit jamais travailler toujours en vue des lois économiques. On doit toujours travailler en vue de la condition humaine. Je répète que la loi, elle est simplement et exclusivement l'observation d'un milieu en équilibre, ce qu'on appelle un écosystème. Si c'est la planète avec, disons que ce serait une galaxie, un macrosystème, lorsque l'homme de l'époque de l'Égypte, ou même antérieur à l'Égypte, l'homme de la race aryenne, par exemple, sur les continents indo-européens, lorsqu'il observe la mécanicité qui se passe autour de lui, alors il y a une loi qui dit que les étoiles et le soleil tournent autour de la Terre. C'est logique parce que ça, selon son point de vue à lui, c'est ce qui se passe. Bon, à un moment donné, Galilée va arriver avec une loi tout à fait inverse. La Terre tourne, le reste ne bouge pas. Et aujourd'hui, on sait que tout bouge, la Terre aussi. Bon. Maintenant, oui? Moi, je reprends avec ton grain de blé. Me dis, finalement, tu dis qu'on n'enfreint pas les lois naturelles, mais on l'enfreint parce qu'on change le comportement. Parce que si le grain de blé, on prend dans la nature... On n'enfreint pas la loi naturelle. Mais on la change. Changer une loi n'est pas enfreindre une loi. Mm-hmm. Lorsque tu acceptes un camp de nudistes dans un secteur paramétré au Québec, quelle loi... Et as-tu enfreint? Aucune, si la loi le permet. Non, je vais poser ma question autrement. Si on change, justement, on fait une démutation, on ne connaît pas nécessairement l'impact. Et là, on revient comment, à la science. Comment l'homme peut déterminer qu'il a fait une bonne découverte? Ou une... Bon. Puis ça aussi, ça pourrait s'appliquer à son propre cheminement. Oui. Et ça, ce n'est pas une question que l'homme de science se pose. Il peut se la poser un peu. Évidemment, c'est une question que l'écologiste, disons, spirituel va se poser, mais que l'écologiste scientifique ne se posera pas trop. Enfin, s'il se la pose, ça ne le limitera pas dans l'essai. Ça n'a rien à voir avec la loi. Autrement dit, toi, la question fondamentale que tu poses, c'est quand devons-nous décider que nous pouvons dépasser une loi? Ou si tu as mieux reformé une loi? Lorsque nous pouvons, par exemple, chaque fois que nous dépassons une loi, nous n'allons pas à l'encontre d'une loi. Par contre, nous renforçons la loi. Chaque fois qu'un homme ou une femme dépasse une loi, il renforce la loi. Toujours. Il ne peut pas aller à l'encontre. Il ne la démolit pas. Lorsque nous disons, il doit y avoir une loi, par exemple, qui garantit la liberté d'expression, de conscience, de religion, de santé, etc., de vie d'une communauté. Prenons l'exemple de la Charte des droits de l'homme. Lorsqu'on a amené cela, on a fallu qu'on élimine certaines formes de lois. Mais en réalité, on a simplement garanti, on a renforcé une loi fondamentale qui est celle que la loi est toujours faite pour l'homme, mais que l'homme n'est jamais faite pour la loi. C'est ça qu'on a fait. Mais ça, c'est pas dans la tête des gens. Moi, je suis né, il y a plein de lois, puis je dois m'y plier. Je suis venu au monde pour pouvoir servir la loi. Non. La loi, elle est placée là pour pouvoir servir l'homme. Lorsque l'homme est limité par la loi, l'homme doit dépasser la loi. Est-ce que l'homme doit prendre la loi et la mettre aux poubelles? Non, parce que si la loi elle a été placée là, c'est qu'elle a déjà un fondement d'intelligence. Sauf que l'homme doit transpasser la loi, transcender la loi, et maintenant s'épanouir au-dessus de celle-là avec peut-être les bases de cette loi. C'est-à-dire l'essence de cette loi. L'essence d'une loi ne peut pas être éliminée. Pas parce que je ne veux pas. Pour la simple raison que si la loi, elle a résisté aux sociétés à travers les temps, c'est que l'essence est fondamentalement une essence équilibrée. Donc écologique, donc nécessaire. Alors l'essence d'une loi ne peut pas être transgressée. Si nous disons, tuer un être humain, c'est un meurtre, mais si on est toute une nation à tuer les humains d'une autre nation, c'est plus un meurtre, c'est une guerre. Mais c'est dans les mots qu'on joue. Mais tuer, ça reste tuer. Alors, à un moment donné, il faut s'entendre. Bon. Maintenant, si on dépasse une loi, c'est que l'essence même reste. Il n'y aura jamais de loi à un moment donné ici qui va dire « tu peux tuer ton voisin ». Parce que le gars qui va l'écrire, c'est très bien qu'il est le voisin de l'autre. Donc, en essence, il n'écrira pas ça. Il va toujours mettre « protégez-moi », donc « protégez-vous », parce qu'il sait que ça ne marchera pas s'il ne met pas ça. La loi, elle est là parce que la loi, elle est simplement l'observation du point de vue de l'homme des conditions d'équilibre en cours. Mais lorsque les conditions d'équilibre en cours changent, il y avait, la loi interdisait à n'importe qui de prononcer le nom de Dieu à part le prêtre. Mais depuis le passage du Nazaréen, tout le monde l'a à la bouche. La loi, elle a été changée? Non. La loi, elle dit toujours que seul le prêtre a le droit de prononcer le nom de Dieu. Mais la loi, elle a décidé que tout le monde fait de prêtre. La loi n'a pas changé. Le Nazaréen l'a renforcé, il n'a pas changé. Et maintenant, on a des religions qui vont dire que seul le prêtre reconnu peut baptiser. Mais tous les mâles de famille sont reconnus. Donc, peuvent tous baptiser, comme chez les Mormons, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais de surnaturel, de loi surnaturelle, entre autres. Wow. Peut-être, en tout cas, j'ai saisi ça. C'est que, est-ce que ce serait quelque chose qui assujettirait la loi naturelle ou bien si on veut parler plutôt de religion, de spirituel? Bon, les lois surnaturelles sont des lois qui échappent carrément à la connaissance, disons, traditionnello-scientifique de l'homme. Cela veut dire que lorsqu'on parle de loi divine, on parle de loi surnaturelle dans le langage parapsychologique ou scientifique. Lorsque l'on parle de loi surnaturelle, on parle de loi cosmique, encore dans le langage scientifique ou encore parapsychologique, qui est l'ésotérisme scientifisé, pour plaire un peu plus aux scientifiques. Bon, c'est de la diplomatie, mais ça reste un peu le même phénomène. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quelle loi ne peut pas être... C'est-à-dire qu'aucune loi ne peut être transgressée, sauf que l'homme a le privilège d'observer la condition d'équilibre dans laquelle il vit, et s'il l'observe automatiquement, s'il en parle, il instaure la loi. La loi, elle doit toujours permettre à l'ensemble de continuer à avoir le privilège de l'état d'équilibre actuel, mais la loi ne doit jamais empêcher l'ensemble de dépasser la loi. Je donne l'exemple. Si on regarde certaines lois, je ne devrais pas parler. Bon. Ça peut être des lois humaines, comme en Union soviétique, ça peut être des lois divines, comme un peu partout sur la planète, et ça peut être aussi des lois morales, dépendant encore des sociétés. Si on regarde les lois du Québec, elles me permettent de parler à la condition que je ne frustre pas ni les médecins, ni les psychologues, ni les prêtres, ni l'ensemble de la population. Sinon, la loi va vouloir m'interdire de parler. C'est sûr que si je vais parler dans la rue, cette loi, elle serait intelligente. Mais si je parle chez moi ou quelque part où je vais et que les gens se déplacent, il n'y a aucune loi qui devrait restreindre ce déplacement. Et là, on va dire, c'est vrai, dans notre nation, effectivement, les gens ont le droit, et ça, c'est garanti par la Charte des droits de l'homme, où on a le droit de faire des rencontres et des réunions pacifiques. Mais si je m'adresse et que ça bouleverse la psychologie en place, alors automatiquement, il y aura une autre loi, parce que les lois de l'homme sont toujours des lois qui permettent une chose et qui l'interdisent par en arrière. Il y aura automatiquement une loi qui viendra m'interdire de parler, parce que je n'ai pas de diplôme pour parler, de diplôme de psychologie. Si je parle de médecine, prenons l'exemple, le Nazaréen revient au Québec, il pénètre ici dans le salon et il rencontre, il voit une personne qui est malade, alors il va simplement la guérir et il vient s'asseoir à côté, il tasse de là, s'assoit là. Bon. S'il y a évidemment, le Nazaréen a un problème, c'est qu'il vient de faire de la pratique illégale de médecine. Bon. C'est illégal et il devra être châtié. Alors si on dit, oui, mais on peut pas, lui c'est Dieu. Tous ceux qui ne le reconnaissent pas comme étant Dieu vont dire, c'est ça, c'est bien ce qu'on pensait. Hein? Pour certains, il y a toujours des exceptions. Comment on va trancher? La personne qui a été guérie se fout royalement de la loi. Tous les autres peuvent décider qu'effectivement, lui, premièrement, le gars, il se prend pour un autre. Deuxièmement, il n'a pas le droit. Parce que, regarde, la loi, elle a toujours interdit à l'homme de guérir. Ça a toujours été par Satan que l'homme guérissait selon la loi. Alors on les mettait sur des bûchers. Alors on les brûlait. On s'en débarrassait. C'était consumé dans le langage de l'époque. Bon. La loi, elle ne doit pas interdire qui que ce soit de fonctionner. Je pourrais parler énormément de la loi, mais là, je vais être, disons, hors la loi parce que je vais agresser la loi. Bon. La loi cosmique, elle est instaurée parce qu'il y a un état d'équilibre qui permet certaines choses. Donc, dans cet état d'équilibre, il y aura certaines formes de vie, prenons les acides aminés, qui vont pouvoir apparaître, mais il n'y aura pas d'autres choses. Pas parce qu'il y a un créateur qui l'interdit, parce que c'est impossible dans le cadre actuel de l'écosystème où c'est placé. Et ça va prendre des milliards d'années, disons des millions d'années, pour pouvoir finir par engendrer une vie qui aura la possibilité de pouvoir bouger. Elle n'est pas intentionnelle, elle n'est même pas consciente. Lentement, on va arriver à créer une espèce de végétaux, un végétaux qui va s'animaliser à la longue, et lentement, ça va vouloir sortir du lieu de naissance de la mer, et là, et ça va apparaître sur la planète. Sauf que ça ne pouvait pas sortir de la mer tant qu'il n'y avait pas de l'oxygène. Alors, il a fallu que les plantes sortent avant, que les plantes couvrent la planète, que les plantes verdissent, que les plantes créent l'oxygène. Et après ça, les animaux qui ont besoin d'oxygène au niveau respiratoire et qui l'apprenaient dans l'eau ont pu sortir. Mais si Dieu créait la façon dont on peut le concevoir, parce que c'est évident que c'est passé quelque chose au niveau de la création, sauf que on place des lois qui limitent les choses, parce que ça n'a pas pris 7 jours pour faire en sorte que l'homme arrive. L'apparition de l'homme dans la Genèse se rapporte à la Lémurie. Mais avant ça, il y avait l'hyperborée, avant ça, il y avait la Terre blanche, puis avant ça, il y avait la création même de la planète. Bon, ces 7 jours, évidemment, sont extrêmement longs. Ça, c'est pas grave, ça. Ça permet à une conscience relativement limitée de l'époque de pouvoir comprendre la phénoménologie de la création. Lorsque les plantes sortent, les animaux peuvent venir. C'est l'écosystème. Mais qui a décidé à un moment donné que dans cette espèce d'animal, ici, il y aurait la conscience de l'âme, qu'il y aurait un âme, qu'il y aurait à un moment donné une faculté mentale, et cette âme, ce phénomène, pourrait un jour être spiritisé? L'homme a créé une descendance qui est le singe descend de l'homme, mais l'homme descend pas du singe, sauf que l'homme descend d'une animalité qui n'était pas comme nous sommes. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le sait un peu avec le chaînon manquant qu'on trouvait, et puis tous les phénomènes d'homme des cavernes allaient jusqu'à l'homme qui se tient à peu près debout comme le nôtre. Bon. Alors, l'homme a eu une évolution, et à travers cette évolution, l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à travers tous les animaux, toutes les espèces de la planète Terre, un seul phénomène, un seul véhicule biologique a su s'adapter par la mécanicité des lois naturelles, c'est-à-dire par l'obligation reliée à la limitation de son cadre d'évolution à pouvoir un jour supporter quelque chose d'aussi puissant que l'âme ou d'aussi puissant que l'esprit. Bon. Mais l'esprit n'est pas encore dans l'homme. L'esprit, non, il n'y a que la mémoire de l'esprit dans l'homme qui vient influencer l'âme dans son cheminement d'évolution. L'esprit, il a été archétypé au niveau du ciel, l'esprit n'est pas dans l'homme. Pourquoi? Parce que le véhicule biologique de l'homme n'est pas encore suffisamment puissant pour supporter l'esprit. Crime, il n'arrive même pas à manger convenablement, il n'arrive même pas à pas être malade, il n'arrive même pas à s'empêcher de vieillir, il n'arrive même pas à avoir des dents cariées, il n'arrive même pas à un paquet de choses. Alors évidemment, il n'est pas encore suffisamment solide pour résister au poids de l'esprit. Par contre, il résiste maintenant formidablement bien, l'homme nord-planétaire surtout, au poids de la psychologie. Il connaît la dépression, il peut s'en sortir. Il connaît la science, il connaît l'évolution miraculeuse de notre phénomène matériel, de tout ce que la science peut amener. Il peut même regarder une navette spatiale décoller puis revenir sans trop shaker. Il faut le faire. Parce que prendre une personne du temps du comte de Saint-Germain, par exemple, amène-la ici. Tu fais que les mettre dans la pièce ici en partant des soleils comme ça, on va dire qu'ils flairent, tu sais, qu'ils se promènent pas, qu'ils dégagent pas une odeur de suif, puis qu'on peut régler qu'un piton, ils sont fous raides. Bon, le ver, il connaissait déjà, mais ce ver-là, il connaissait pas. Lui, tu l'échappes, il casse. Tu l'échappes, il casse pas du plastique. Alors ça, c'est effarant. Puis là, tu ouvres la bebelle, l'eau sort, tu peux la boire. C'est effarant. Ils viennent fous, Brad. Et puis, tu les sors pas dehors pour les amener dans ton automobile prendre le métro. Mais non. Ou aller au Palais des congrès, ou encore s'asseoir à l'intérieur d'une petite bâtisse puis regarder le ciel au planétarium. C'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourraient pas neurologiquement supporter. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qu'on les placerait dans un monde tout à fait nouveau. Prenons, disons, l'an 2000 ou l'an 3000, pour s'amuser. Oh, vous seriez surpris. Mais il y aurait une chose, vous ne voudriez pas revenir en arrière, mais vous seriez capable de supporter le choc. Tandis que ceux de v'là, pas 1000 ans, ceux de v'là 2, même ceux de v'là 100 ans ne pourraient pas supporter le choc. Pourquoi? Parce que la neurologique, le cerveau de l'homme, ainsi que son système endocrinien et son système nerveux, sont maintenant suffisamment évolué par la génétique, par le processus d'adaptation génétique, pour pouvoir supporter ces choses. Alors, à un moment donné, évidemment, l'homme saura. L'homme ne vivra plus dans l'ignorance qui, à force d'expérimenter, finit par apparaître sous forme d'un peu de conscience ou d'expérience. L'homme va vivre dans le savoir instantané, donc l'homme aura un contact avec son esprit. Bon, simplement. Alors, lorsque l'homme se rapproche de ce contact espritique, lorsque l'homme finit par être dans son intelligence, et non plus dans l'intelligence de la collectivité, si tu lui dis ne dépasse pas les lois naturelles ou les lois tout court sont l'observation de la collectivité qui permettent à la collectivité de garder son équilibre inconscient. Tu peux pas dire à un homme ou à une femme qui devient individuel de ne pas dépasser les lois de la collectivité. Lorsque l'homme ou lorsque la femme, lorsque l'homme nouveau apparaît, il se doit de dépasser les lois naturelles, c'est-à-dire des lois qui ont toujours été données par la phénoménologie de l'évolution expérientielle planétaire humaine. Sauf que je peux dépasser les lois naturelles de certaines façons. À un moment donné, il y a un voyant qui parlait de moi à la radio, et ça, c'est notamment sûr, à un moment donné, manque de diplomatie de certains animateurs. Tu pénètes dans une station radiophonique pour faire un certain travail, et puis là, il y a un voyant en ondes qui lit des choses, et puis qui parle des auditeurs et auditrices, et qui les déshabille un peu. Et puis là, l'animateur dit, « Ah bon, ben, M. Kemp est ici, j'imagine que ça ne le dérangera pas que notre cher invité, le voyant, nous parle de... » Bon, alors, si tu dis non, évidemment, tout le monde voit que t'as peur, puis si tu dis oui, tu sais pas qu'est-ce que l'autre va trahir de choses que tu ne veux pas qu'on sache. S'il est pas bon à bipluguer sur l'astral, il risque de parler d'une façon tout à fait, disons, négative de moi. Parce qu'évidemment, ça brasse en maudit dans la conscience collective, avec ce que je dis. S'il se branche directement sur ce que je fais, il y a des choses que peut-être qu'il faut pas dire. Alors, le voyant, qui est d'ailleurs relativement intéressant, commence à parler et finit par avouer que même physiologiquement, je n'étais pas normal. Pas neurologiquement, physiologiquement. Mon corps physique n'est pas comme les corps physiques normaux. C'est normal, il dépasse les lois naturelles. Il a fallu que je l'arrête à un moment donné parce que je lui ai dit, OK, tu as un assez dit, ça je peux le répéter, bon, parce qu'il l'a dit. Il a été écouté par des milliers d'auditeurs. Bon, hein, à un moment donné, les secrets sont de polichinelle. Sauf que maintenant, OK, c'est parfait, c'est suffisant. Disons, tasse-toi de là, c'est mon émission. Hein? Bon, fini. Dépasser les lois naturelles, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que moi, j'ai décidé de transformer ma physiologie? Non! Ça veut simplement dire qu'à force d'avoir un contact qui te permet de communiquer avec ton esprit ou qui te permet même de t'espritiser, donc d'être fusionné avec ton esprit, on peut appeler ça l'intelligence active, l'énergie supramentale ou l'esprit saint, si on veut. Veut pas, le corps doit maintenant se transmuer. Je dépasse donc les lois naturelles. Je n'ai plus aucune correspondance génétique avec mes parents. Bon. Je ne ressemble pas à mes parents, ni par rien. Et plus ça va aller, moins ça va ressembler. C'est ce qu'on appelle, bon, un paquet de choses. Lorsque l'humain dépasse les lois naturelles, il va donc évidemment aller dépasser chez lui. À un moment donné, la personne, elle aura des symptômes pathologiques, comme par exemple des attaques cardiaques qui durent l'instant d'une seconde et qui partent. Alors, on passe un électrocardiogramme et il n'y a rien. La personne, elle va voir les médecins toujours. Non, madame, non, monsieur, vous n'avez rien. Ah, oh, mais ça, je suis pas fou, je suis pas folle. Tu sais, j'ai mal à l'oreille, d'un coup, ça part. J'ai des bourdonnements. On met des gouttes, on passe, on va checker, on tape la tête, on donne un placebo, et puis on dit, allez vous coucher, prenez de l'aspirine, ça va passer. Mais à un moment donné, il n'y a rien à faire, ça pique, ça gratte, ça pique. Alors on donne des choses anti-allergènes, ça se passe, ça change rien. Non, parce que ce que les autres ne savent pas, c'est que dans le cerveau, il y a une mutation. Dans le cerveau, il y a des neurones qui présentement ont des changements de contact, ce qui fait que le cerveau croit enregistrer une stimulation au niveau d'une partie du corps, stimulation qui n'existe pas. Alors, le médecin a beau fouiller, il ne trouve pas. Mais le cerveau à l'enregistrement, ça passe. C'est une mutation neurologique. Certains perdent la mémoire. Certains ont des regains de ceci, des regains de cela. Il y a plusieurs choses qui se passent. Ils dépassent donc les lois physiologiques naturelles. Mais pas parce qu'ils veulent. C'est comme ça que ça marche. Justement, cette mutation-là, est-ce qu'elle ne va pas apporter aussi une mutation générale sur toute la planète? C'est pourquoi l'humain doit, dès aujourd'hui, c'est pourquoi chacun doit, dès aujourd'hui, essayer de comprendre pourquoi la loi, elle est placée. Pourquoi y a-t-il, par exemple, 20... Non, c'est vrai, Moïse a échappé une table. 10 commandements. Bon, pourquoi y a-t-il 10... Oui, il l'a cassé. Alors, il ne peut pas arriver avec les morceaux des commandements. Alors, il y avait... Bon, pourquoi y a-t-il 10 commandements? Pourquoi cette loi a-t-elle été donnée à l'homme à partir de ce moment donné dans l'évolution spatio-temporelle de l'humanité? Parce qu'il était intelligent... que l'humain organise sa force égrégorienne en priant un seul Dieu. Parce qu'on énergisait ce Dieu-là, ce Dieu-là, ce Dieu-là, ce Dieu-là. Placez toutes vos énergies pour nourrir un seul Dieu. Et vous aurez une puissance majeure par la suite en tant que peuple. Donc, tu adoreras, tu n'as un seul Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère pour créer la consistance familiale qui était essentielle à l'évolution. Ces lois-là ne peuvent pas être éliminées aujourd'hui. Mais la famille, qu'est-ce que c'est maintenant, la famille? Est-ce que c'est exclusivement le cadre génétique de procréation? Ou bien s'il n'y a pas beaucoup de vos frères et sœurs avec lesquels vous fitez à merveille, qui ne naissent pas sous d'autres toits? Alors, est-ce que ça veut dire « honore plus ton père et ta mère », etc.? Non, non. Ça veut simplement dire, maintenant, continue ça, mais agrandis le phénomène. Est-ce qu'un Russe peut faire partie de ceux que tu vas honorer? Oui, donc c'est plus un Russe. T'es plus un Canadien. C'est ça, dépasser la loi. Naturelle, la loi humaine, la loi, etc. Dépasser la loi. Restructurer une loi. On va dire, oui, mais je suis le seul à vivre dans cette loi-là. Ça va changer quoi? Moi, je peux être le seul au Canada qui arrête ses feux rouges parce que c'est intelligent. Puis toutes les autres arrêtent parce que la loi l'oblige. Eh oui, je dépasse donc la loi, disons, criminelle, ou la loi du code routier. Mais ça m'empêche pas de vivre avec les autres. Je peux, par exemple, décider de m'ajuster avec les humains. Je dépasse donc les lois de la morale. Mais personne ne le sait. Mais moi, je sais. Alors, si vous avez des questions, on va répondre à la deuxième partie. Bien, merci beaucoup, Daniel.